Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Pourquoi le zoo ? Une série de Myriam Prévost réalisée par Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'enfance à regarder les fauves faire les 100 pas et des plus récents à se demander si on a bien fait de traîner les enfants au zoo pour voir des animaux en cage. Alors pour commencer, les personnages. Une soigneuse qui se pose des questions, un médiateur qui doute, une abolitionniste convaincue, une éthologue qui questionne, Dora, l'éléphante aveugle, un soigneur en chapeau, un directeur qui justifie, un historien qui inverse le regard et une historienne et son chat. Ensuite, le décor. Un parc, des enclos, des cages, des cris, des regards, des hippopotames, des odeurs, des sprats, des manchots, des sentiments, des gratouilles, des barrissements, la tête d'or et des gros doutes. Aujourd'hui, 4e épisode, c'est l'heure de la manif. Quelle prison ! Maintenant, ils ont aussi, comme nous, on a tous envie de découvrir le monde. C'est petit et puis on voit la tristesse dans leurs regards. Les animaux sont des animaux sauvages, ils devraient être dans la nature, pas derrière des vitres et des barreaux. Le poète Rilke avait écrit dans La Panthère en 1902, il y a plus d'un siècle. Son regard est si las de traverser les barreaux qui ne fixent plus rien. Pour lui, c'est comme s'il y avait un millier de barreaux et derrière le néant. Je ne vais plus, non. Bah non, je ne veux pas cautionner ça. Ils ont toujours vécu comme ça. Les animaux sont purs. Il y a toujours un mais de toute façon. Peut-on enfermer les animaux ? Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Anne Pérez Franchini. On va mettre les parapluies, oui, là, parce que... Bah oui, ça commence à pleuvoir. Le bien-être animal est sur le devant de la scène. On s'accuse, on s'invective, on s'écharpe en son nom. On en parle dans les zoos et on en parle aux abords des zoos, dans les manifestations anti-captivité. Chacun veut s'en approcher au plus près, mais chaque camp envisage un chemin bien différent pour y arriver. Il y a ceux qui disent que le bien-être animal, c'est hors des eaux qu'ils s'envisagent. Et ils n'ont pas tort. Et puis, il y a ceux qui disent que la liberté n'est pas la seule condition au bien-être et que de toute façon, il existe des centaines de milliers d'animaux dans les eaux dont le bien-être dépend de ce cadre de captivité qui est le leur depuis toujours. Ils n'ont pas tort non plus. Mais comment savoir ? Comment savoir si les animaux sont bien aux eaux ? À quoi ça tient ? Le bien-être animal, c'est diabolique, m'a dit un jour une chercheuse. Pourquoi ? Parce qu'on change tout le temps, nous, eux, et les relations entre nous et eux. On prend de la place, ils s'adaptent. On recule, ils reviennent. Ils trouvent des failles dans nos systèmes, ils s'y installent, ils y trouvent même leur compte. Ils évoluent. Ils évoluent sur une vie, puis sur des générations. Et nous, avec nos arrogances et nos culpabilités humaines, on fait bouger les lignes entre eux et nous. Et puis nous évoluons aussi. Rien n'est immuable, pas même la nature, et c'est ça qui est diabolique. En attendant, les animaux sont là, dans les eaux. Encagés, disent les anti-zoos. Captifs, disent les zoos. Mais ils vivent. Ils continuent à être en mouvement, en relation. Ils transforment les humains qui viennent les voir et sont transformés à leur tour par ces êtres à deux pattes. Alors, pour le meilleur ou pour le pire ? Dans la journée, ils se mettent à chanter, donc leur gorge se gonfle, c'est ce qu'on a vu là, et là c'était encore tout petit, et ils se mettent à chanter tous les deux, et au bout d'un petit moment... Aurélie Guéry, chargée des relations presse au bioparc de Douai-la-Fontaine. Les ceux d'en face répondent, et ça fait un chant incroyable, mais c'est quand ils ont envie. Mais ouais, ils ont cette poche qui fait vraiment caisse de résonance, donc ça s'entend super loin, à plus de 5 km on peut entendre le chant du siamang. Là, c'est marrant parce qu'il y a le plus jeune, il y a celui qui est né en novembre, on a Django, l'autre, un petit mâle qui est né il y a 2 ans. Il commence aussi à faire ses vocalises, mais il se découvre, alors ça part un peu dans tous les sens. Autant ça fait un peu mélodieux, enfin, on voit qu'il y a une continuité, qu'il y a... Une harmonie. Il y a une harmonie, que dans le petit jeune, pas du tout, ça part dans tous les sens, c'est assez marrant. Élodie, chef soigneuse au bioparc de Douai-la-Fontaine. Là, c'est vraiment ses premières découvertes. C'est découverte du milieu, découverte de la nourriture, découverte de son corps... Et là, par exemple, ils ne sont pas du tout intéressés ou ils font semblant de ne pas nous voir ? Non, ils ne sont pas intéressés. Il y a d'autres choses qui les intéressent. Il y a l'herbe, il y a ce qui se passe autour d'eux. C'est mieux comme ça, on n'est pas le centre d'intérêt des animaux. Vous pensez qu'ils sont heureux, là ? Je dirais que oui. Après, c'est purement anthropomorphisme de dire heureux, pas heureux. Enfin, c'est vraiment le côté humain et c'est difficile à chaque fois de savoir. Rien qu'en voyant une photo, dire oh l'animal il est triste, enfin c'est juste la photo qui montre qu'il est triste, mais en fait on sait, enfin ça reste de l'animal et c'est toujours compliqué de savoir. Enfin, on n'est pas dans leur tête quoi. Après moi, tant que je les vois pas, ce qu'on appelle stéréotyper, c'est faire toujours les mêmes mouvements, ou quand je vois qu'il y a une interaction sociale comme là avec les petits, les parents et tout, enfin pour moi ils sont heureux, ouais. Mais voilà, encore ce mot heureux, ça reste... Est-ce qu'on peut dire qu'une antilope dans la nature est heureuse? À chaque fois avoir peur d'avoir un lion aux fesses, ou se dire oh, dans la nature ils sont bien, ils sont heureux. Un lion qui meurt de faim ou de soif dans la nature, je peux vous dire s'il est heureux ou pas. Oui, il a de l'espace, mais il a soif, il a la dalle, enfin c'est toujours compliqué quoi. Enfin ouais, je pense que les sentiments c'est vraiment purement humain et c'est compliqué de remettre ça sur les animaux. Là on les a pas déplacés parce qu'ils ont 17 ans. Et des lions 17 ans, c'est très très âgé. Se dire passer sur un enclos plat à des dômes, c'est un peu compliqué pour des animaux âgés. Donc ils vont finir tranquillement leur vie dans leur enclos où ils ont l'habitude. C'est le club des seniors. Deux rhinocéros. T'as vu ? En gros. Est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'ils sont mieux, bien par rapport à la nature ? C'est toujours une question difficile. De toute façon, c'est des animaux de parc zoologique qui n'ont pas connu la nature. Mais ça, c'est un argument là aussi délicat parce que ça justifierait n'importe quel type de captivité. Raphaël Lambert, médiateur scientifique et animateur de la chaîne YouTube Antenzo. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à comprendre. C'est que pour chaque espèce, chaque animal a ses besoins. Le rhinocéros, de ce que j'en sais, moi, voilà, il a besoin de marcher pas mal. Il faut qu'il se dépense. Il a besoin d'avoir une vision sur son espace, même s'il a relativement mauvaise vue. Il a besoin de se sentir en sécurité. C'est un animal qui est solitaire, donc il ne faut pas qu'il se marche sur les pieds. Bon, ici, il y en a deux pour quasiment 2 hectares, je crois, donc ça va à peu près. Et puis, il a besoin de pouvoir choisir. Je pense que souvent, ce qu'il faut offrir à l'animal, c'est du choix. Donc là, ils sont au soleil parce qu'il fait beau, mais pas trop chaud. Par contre, je pense que quand il fait 35, ils se mettent à l'ombre. Ils ont des points d'eau et des mares de boue pour s'hydrater et se protéger la peau. Est-ce que l'animal est bien dans son enclos ? C'est difficile à savoir, mais en tout cas, au moins, il faut essayer de se débarrasser de notre œil humain qui va juger ça. Donc effectivement, il y a des évolutions dans les zoos qui ont poussé à plus de bien-être animal, mais il y a parfois des choses qui sont plutôt pour rassurer l'œil du visiteur. Il y a des parcs zoologiques qui, moi, ne me satisfont pas du tout au niveau du bien-être animal, mais pour lesquels mes proches, qui ne sont pas spécialistes, vont se dire « Ah, c'était très beau parce qu'ils ont fait une belle balade, c'était très vert, il y avait une jolie cascade, il y avait une belle pelouse ». On pourrait avoir une magnifique pelouse pour les singes qu'on a vus tout à l'heure et le visiteur peut-être qu'il trouverait ça très beau, sauf que le singe, il a besoin de grimper. Voilà, si on prend en compte que le bien-être animal, on ne fait pas venir de public, par exemple. Et, mais encore une fois, ça aussi, ça peut se pondérer. Est-ce que vraiment l'animal souffre de l'œil humain ? Il y en a, par exemple, les primates, c'est vrai. Les primates, c'est nos cousins. Hein. C'est des animaux qui travaillent énormément sur le visuel. Ça peut les stresser d'être vu par des humains. Et donc là, il faudrait travailler dessus. Le rhinocéros, donc, c'est un animal, il voit flou, il voit quasiment rien à 20 mètres de distance. Donc est-ce que nous, de là où on était tout à l'heure, on le dérangeait beaucoup ? C'est pas sûr. Peut-être que ça le dérange plus s'il entend le bruit de la route parce qu'il utilise beaucoup l'audition. Donc c'est une question, là encore, à prendre au cas par cas, il me semble. Pour beaucoup de choses, on travaille avec du vivant et le vivant, c'est vraiment... c'est fait de tout un univers qu'on a du mal encore à appréhender. Quelle est la solution ? Je vous entends un peu réagir, comment vous... Ah, nous en fait on est plus ou moins d'accord avec ce qu'elle dit, hein. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, surtout les animaux, certains sont pas oui, braconnés ni rien, donc ils n'auraient pas forcément grand chose à faire ici. Et que pour des félins, genre un jaguar ou des choses comme ça, avoir 20 mètres carrés, c'est pas forcément énorme. Vous êtes venu au zoo quand même ? On est là simplement pour faire passer un message de respect pour les animaux. Cessons de les exploiter, cessons de les mettre dans des vitrines, à notre bon vouloir. Pour amuser la galerie. Excusez-moi. Oui. Je peux vous interviewer un peu ? Oui, si ouais. Vous voulez. Vous voulez bien vous présenter ? Oui, je suis Amandine Rubini, porte-parole de Vegan Impact Lyon. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On est là pour protester contre le zoo du parc de la Tête d'Or. Notamment le fait qu'on n'a toujours pas de réponse concernant son avenir. Bon, on a quand même un schéma, ça se dessine. Mais pour l'instant, ils ne sont pas vraiment positionnés officiellement. Donc tant qu'on n'a pas de vraie réponse sur le futur du zoo, on continue à protester. On ne veut plus voir d'animaux encagés, esclavagés dans ce mouroir qui est financé par nos impôts. Et du coup, vous, dans l'idéal ? Ah ben l'idéal, c'est la fermeture du zoo. Nous, on est abolitionnistes. Hein. Après, on sait très bien que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On est conscient là-dessus. Mais pour nous, un animal en cage ou dans un petit enclos n'est ni malade, ni un criminel. Et personne ne mérite d'être derrière des barreaux, en fait, toute une vie pour nous amuser, en fait. Je trouve qu'il n'y a rien de drôle à ça. Et ces animaux méritent vraiment le respect et la dignité dans des espaces au moins plus ouverts. Enfin, et voir dans, si c'est possible, c'est pas toujours possible, de pouvoir les réhabiliter dans leur espace naturel. Qu'ont-ils fait pour mériter ce sort ? Ces animaux sont innocents ! Alors je pense qu'il y a deux façons d'approcher la protection animale. Il y a un courant qu'on appelle abolitionniste. Fabienne Delfour est éthologue. Elle s'intéresse au comportement des mammifères marins en milieu naturel et en captivité. Qui veut vraiment la fin de toute exploitation animale. Et donc les zoos et en conséquence les delphinariums en font partie. Donc c'est demander la fin de ces activités-là. Et il y a un courant welfariste. Qui lui va demander des garanties sur le bien-être de ces animaux. Soit on peut rester sur un débat de croyances et d'opinions, je sais que, je pense que, soit on peut aussi aborder d'un point de vue scientifique, avoir des indicateurs objectifs qui me permettent d'évaluer l'état de bien-être de ces animaux. Un instant T, certes, mais que je peux reproduire dans le temps, va me permettre de dire... Et voilà, vous disposez de ces indicateurs, venez, mesurez, tirez-en vos conclusions et dites-nous ce que vous en pensez. Ça veut dire quoi, welfariste exactement ? Au tout début, quand les préoccupations du bien-être animal sont nées de chercheurs ou de scientifiques, ils sont focalisés sur l'aspect physiologie. Ce qu'ils voulaient, c'est que les animaux soient en bonne santé physique. Donc le bien-être, parce qu'il est né aussi dans un pays anglo-saxon, a été appelé welfare. Ce welfare avait été basé sur des critères physiologiques de bonne santé physique des animaux. Donc ça, c'était l'apanage des vétérinaires. Et puis au fur et à mesure, nos connaissances sur les animaux ont changé. On s'est aperçu que certes, on devait répondre à leurs besoins fondamentaux, mais enfin, il y avait autre chose. Donc les Anglais ont créé un autre mot qui s'appelle well-being et qui est plutôt le bien se sentir. Donc le bien-être, c'est le bien se porter, l'aspect santé, mais c'est aussi le bien se sentir, le well-being. En français, on n'a qu'un seul terme, c'est bien-être, qui couvre ces deux aspects-là. Quelle serait la définition aujourd'hui, en l'état de vos recherches, quelle serait la définition la plus juste pour vous du bien-être animal ? Il y a plusieurs approches. Il y en a une qui me plaît bien, c'est celle qui allie aussi bien l'aspect physiologique. On doit remplir et répondre aux besoins fondamentaux des animaux. Mais aussi, on ne peut plus faire l'impasse sur la sphère émotionnelle des animaux. Donc, ce qui me plaît aujourd'hui et comment je définirais le bien-être animal, c'est vraiment un trio qui est comportement, physiologie et cognition. Et dans cette cognition, bien sûr, je mets les émotions. Et l'état de bien-être d'un animal, il va fluctuer vers ces trois pôles. Si un matin je me lève et je suis malade, le pôle physiologie bien sûr est moindre et du coup bien sûr ça va avoir un impact sur mon comportement, sur ma façon aussi d'interagir avec les autres. Donc en jouant là-dessus, on a une idée à un instant T, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que le bien-être c'est un état qui va fluctuer. À un instant T, on a un cliché sur l'état de bien-être de l'animal. On est passé devant une sorte de chien loup orange comme un renard. Les loups à crinière. Ça vient d'où ça ? Amérique du Sud. Donc ils appellent ça loup à crinière, mais c'est vrai que ça ressemble plus à un renard sur échasse qu'un loup à crinière. Mais après, ça fait pas très classe de s'appeler renard sur échasse. Loup à crinière, tout de suite, ça fait plus classe. Alors là, je sais pas si vous avez vu, il y a les soigneurs qui sont dans l'enclos. Oui. Ils sont. Alors moi, ce matin, je suis rentrée dans l'enclos, les lions sont dans le bâtiment. Donc j'ai checké tout le sol, les grillages, les retours, voir si tout va bien. Et là, les soigneurs sont en train de faire les vitres, ramasser toutes les crottes. Et donc, on fait une fois par semaine, on fait les enclos des carnies Donc aujourd'hui, c'était le tour des lions et des panthères des neiges. Et donc chaque jour, ça change. Et comme ça, on vérifie tout, tout dans l'enclos. Et après, nos vieux lions pourront sortir. Et en plus, les soigneurs vont mettre des enrichissements, donc c'est des jeux pour occuper. Donc ça peut être des odeurs, ça peut être des eaux perchées pour pouvoir les occuper la journée. Comment ça, des odeurs ? Du poivre, paprika, même du parfum. On essaye de diversifier un maximum. On en met sur les cailloux, on en met... Par exemple, le café, ils adorent ça. Et on les voit, les lions, ils se frottent au tronc, ils se tournent dans tous les sens quand c'est du café. Il y a des trucs où ça va être un bide. Dès qu'on va le mettre, ils vont passer devant, on fait « Oh, j'en ai rien à faire de ton truc, ça pue. » Mais il y a certaines odeurs, ils sont vraiment, vraiment au taquet. Et jamais on n'aurait pensé que des lions étaient à fond sur du café, par exemple. Oui, Dédé ? Tu penseras à prendre ma commande, Estiva ? Ouais, dès que j'ai fini, j'arrive à passer. C'était pour les fruits et légumes, le magasinier qui m'appelait pour faire la commande de fruits et légumes. Donc voilà, regardez par exemple, là le soigneur a du café dans les mains. Donc aujourd'hui, ça va être odeur café. Donc même pour le soigneur, vous voyez, c'est un enrichissement parce que où je vais le mettre ? Donc il prend un certain temps à réfléchir où il peut le mettre. Par exemple, on a la panthère de Java en bas, le parfum pour homme, ça marche super bien. Un jour, on a aspergé un tronc de parfum et il se frotte, mais pendant 2 heures, il se frotte, il se roule. Je sais plus quel parfum c'est, mais ça marche qu'avec celui-là. Donc il y a une odeur particulière qui fait qu'à chaque fois, il s'éclate, quoi. Donc voilà, les soigneurs sortent de l'enclos. Une sorte de réponse à la captivité, en fait. Mettre des enrichissements ? Oui. Ouais. Dans la nature, ils chassent et après, ils digèrent et ils se couchent. Nous, ici, ils chassent beaucoup moins. Donc il faut les occuper aussi. Après, les lions, c'est comme dans la nature, hein, ça passe son temps à dormir ici. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est les mangoustes, justement. C'est ceux qui mangent les criquets et les vers de farine. Donc là, ils ont vu la voiture, c'est pour ça qu'ils attendent, ils pensent que c'est la nourriture. Parce que c'est des animaux qui sont très très gourmands, donc même si le soigneur est passé avant pour lancer des insectes, ils reviennent automatiquement, genre, il y a encore quelque chose à manger ? C'est pour quel animal ? Pour les manchots. Il leur faut combien ? 7 kilos. 5 kilos de sprat et 2 kilos de caprin. Les sprat, c'est ça ? Oui, les sprat, c'est comme des sardines. Alors, le prérequis dans tout ce qui est définition du bien-être animal, c'est une connaissance de ces animaux. Donc, bien sûr, on va devoir connaître la biologie, la physiologie, l'écologie de l'espèce. Mais c'est pas que ça. On s'aperçoit aussi que c'est une histoire de personnalité. Donc, le fait qu'il y ait des contacts répétés avec une certaine population d'individus, les soigneurs animaliers sont très capables de vous dire « celui-là, il a peur de ça, il aime pas ça, il préfère ça ». Et c'est tout à fait juste et pertinent. Donc il faut aussi être capable d'intégrer ça, nous, en tant que scientifiques, dans nos protocoles. Donc on imagine aussi qu'il y ait une variabilité interindividuelle qui soit due à cette personnalité ou à ces personnalités différentes. Et le fait que les animaux puissent exprimer ces personnalités dans cet environnement-là, c'est quand même aussi une manifestation de leur état de bien-être. Et derrière moi, Manon, qui s'occupe des gorilles. Enchantée. Bonjour Manon. Enchantée, bonjour. Et là, ils sont avec d'autres singes, là, les gorilles. Tout à fait, ils sont avec des patasses et des mangabées. Donc, voilà, on a un groupe reproducteur de patasses. Donc, on a un mâle et 2 femelles. On a 2 femelles mangabées. On attend un futur mâle également. Et puis, voilà, là, dans cette zone, on a 2 gorilles, donc Ayo et Yeba, qui ont tous les deux 8 ans. Là, vous voyez, ils sont vraiment typiquement en train de jouer. Donc Ayo, il montre que c'est lui le dominant en mettant les poings comme ça, en gonflant les épaules et en pinçant les lèvres. Ça, c'est pour dire à Yeba que voilà, c'est lui le chef et il y en a un peu assez. Ça fait un quart d'heure qu'il le poursuit, qu'il se chamaille. Yeba, il est taquin, c'est vraiment la petite fripouille. Il va toujours venir embêter un peu tout le monde. Lui jeter du copeau, enfin voilà, et des fois même il vient chercher comme un câlin, et puis il prépare dans sa main une petite motte de copeau, et puis après il lui lance et il court rapidement de l'autre côté, enfin voilà, c'est vraiment le petit farceur. voilà typiquement ce qu'ils peuvent faire pour jouer. Il a frappé contre la vitre super fort à notre hauteur. C'est un petit jeune qui a, voilà, il est pas très loin de la puberté, il a envie de montrer que c'est un enfant, mais c'est quand même un peu un grand, enfin voilà, c'est pas du tout de l'agressivité ou quoi que ce soit, même si ça peut être tapé, enfin voilà, c'est des choses qui pour nous ne semblent pas bénignes, mais pour eux c'est vraiment totalement du jeu, il n'y a rien d'agressif là-dedans. Ils sont vraiment très drôles hein, à regarder, on a l'impression qu'ils cherchent le regard, dès qu'on les regarde, ils regardent ailleurs, l'air de rien. Comment ça se passe quand vous accueillez un gorille ? Lui, il vient du Pays-Bas. Il est venu avec sa soigneuse. Du coup, on a vraiment pu faire un relais, en fait. Elle nous a vraiment expliqué son comportement, comment il est, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, comment ils ont déjà travaillé avec lui, par exemple, en entraînement médical, qu'est-ce qu'il a pu déjà faire ou non. Le training médical, c'est un entraînement qui a pour but de faire des soins préventifs ou curatifs en total volontariat. Pour éviter toute sédation, anesthésie, etc. Avec les gorilles, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est les mains, les pieds, pour voir s'ils n'ont pas de blessure, de nous présenter une épaule. Si jamais un jour on a besoin de faire une sédation, ça sera plus facile pour nous de le faire dans l'épaule en volontaire. Ils comprennent très très vite. Ils adorent travailler, quoi. Ils ont envie, ils se placent déjà, ils placent les mains alors qu'on leur a encore rien demandé. Voilà, ce sont vraiment de bons élèves, ils ont vraiment envie. C'est des moments où il y a plein de choses qui se créent entre vous et eux. Tout à fait, parce que pour se libérer et pour vouloir travailler avec nous, il faut vraiment qu'ils aient confiance en nous, qu'ils aient envie de travailler avec la personne qui lui demande également. Parce qu'en fait, pour créer un comportement, on va cibler un comportement que lui, il nous propose. Il va évoluer dans sa loge et à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire, toucher son pied avec la main, par exemple. Et nous, on va siffler. Et il va se dire, attends, ce que j'ai fait il y a 10 secondes, ça lui a plu, je vais recommencer, il va recommencer, on va siffler, et après ça va créer un comportement, on va rajouter un mot dessus. Voilà, c'est comme ça que ça se crée, mais il faut vraiment qu'il soit à son aise pour évoluer comme il l'entend et pouvoir avoir des comportements totalement naturels. Je pense que s'il y a quelque chose que j'ai appris en tant qu'éthologue, c'est ça. C'est imaginer qu'ils ont parfois autre chose à faire que répondre aux questions qu'on va leur poser. Et quand on a des animaux qui ont alors je vais dire un mot qui est peut-être bizarre, mais qui ont la liberté d'exprimer leur désaccord à ne pas participer à ce type d'expérimentation, ça je trouve formidable. Ça veut dire qu'ils comprennent que je suis capable d'accepter ça. Et je ne vais pas les forcer, je vais dire ok, aujourd'hui c'est pas ton jour, c'est bon. Je vois ça au quotidien avec les soigneurs animaliers avec lesquels je travaille. Ils vont arriver avec le matin avec leur seau de poisson et ils vont déjà regarder juste la manière avec laquelle les animaux vont se diriger vers eux. Qui vient en premier, comment ils arrivent, avec qui ils viennent aussi. Et déjà pour eux, c'est un indicateur. Et il y en a qui vont rester très très éloignés. Ils vont se dire, il y a un truc qui va pas ou qui s'est passé pendant la nuit, je sais pas ce que c'est. Mais ça, je dois déjà en tenir compte. Mais le fait que l'animal ait la possibilité d'exprimer ça, on a des animaux qui ont compris qu'en face, ils avaient des humains qui étaient aussi capables d'intégrer ce type de réponse-là. On a été en formation à Amnéville et il y avait un gorille qui, de prime abord, n'aimait pas les femmes. Donc quand moi j'ai été en formation là-bas, ça a été... un des gorilles que j'ai le moins approché. J'ai réussi à l'approcher un peu, il a mangé devant moi, mais j'ai jamais pu lui donner moi-même manger, il était vraiment en retrait par rapport à moi. Mais au contraire, il y avait un autre gorille qui, lui, voilà, il faisait le charmeur quand il y avait une femme, etc. Le lien est tout de suite passé, en fait. Voilà. Donc ça dépend également de leur personnalité, de leur caractère à eux, de leurs envies, hein, comment ils se sont réveillés le matin. Voilà. Il faut travailler avec tout ça, réussir à les comprendre, à leur laisser le temps quand ils en ont besoin, à avancer avec eux. C'est ça, enfin, la communication, c'est aussi avoir la confiance à pouvoir dire ou exprimer quelque chose vers une autre personne. Entre amis, c'est ce qu'on fait. Je ne vais pas attendre que mes amis me demandent si je vais bien ou pas bien. Pour dire si ça va ou si ça va pas. Donc on est dans quelque chose d'apaisé. Et Et je trouve que ça, c'est peu étudié aussi dans ces parcs animaliers. Et là aussi, autant on a des diversités de personnalités animales, mais il y a des diversités de personnalités au niveau des soigneurs animaliers. Donc peut-être que c'est aussi intéressant de voir s'ils expriment leurs personnalités différentes, comment les animaux réagissent, est-ce qu'il y a des affinités qui se créent avec des affinités hommes-animaux, parce qu'on a des traits de comportement qui nous rapprochent ou pas. Donc il y a quand même beaucoup de choses à essayer de comprendre pour décortiquer ce qui se joue vraiment précisément ici dans les parcs animaliers. On fait un petit tour. Oui. Comme ça on regarde si la grue, hein. Si c'est la grue qui fait un bruit. Vincent. Super soigneur. Donc c'est un des soigneurs qui m'a donné envie d'être soigneur. Un soigneur que j'avais l'habitude de voir quand je venais en visite enfant. Lucas, soigneur animalier au zoo de la Barbenne. Alors il ne se rappellera pas de moi, hein, mais je me souviens très bien de Vincent avec son chapeau qu'il a toujours sur lui. Donc c'est Vincent au chapeau. Bah, ça fait 30 ans de carrière, on va dire. C'était presque au début du parc, quoi. Oui, bah, c'est ce que je disais, c'est que quand j'étais enfant, que je venais, je te voyais et tu fais partie de ceux qui... Enfin, des soigneurs qui m'ont fait connaître le métier de soigneur, déjà. Qui ont donné l'envie. Oui, tout à fait. Bah, parce que moi, j'ai commencé, j'étais jardinier. Après, j'ai fait l'oisellerie. Et après, je suis monté en girafe éléphant. Et j'ai croisé Dora. Dora l'éléphant. Alors, c'est une passion. Des métiers passion, ça. Beaucoup de contraintes, mais bon, quand on a envie, c'est un plaisir aussi. Et Dora? Ah, Dora, c'est une grande histoire, Dora. On s'est croisés en 98, quand elle est arrivée, puisque je montais aider le gars qui travaillait aux éléphants pour fermer, et il y a eu un contact. Il s'est passé quelque chose. Et depuis, ben, ça fait maintenant 20 ans que je m'occupe d'elle quasiment. Une grosse relation. Elle aime bien tout le monde, mais elle a des soigneurs en particulier. Voilà. L'éléphant, ça choisit ça a un soigneur. Ça tolère du monde, mais ça donne sa confiance en une personne. Vous arriveriez à décrire un peu ce que c'est que cette grosse relation Par quoi ça passe? Bah déjà, elle est aveugle, c'est ça? Elle est quasiment aveugle, ouais. Donc déjà, ça va passer par la confiance. Vu qu'elle y voit quasiment pas, le matin en arrivant, elle va nous sentir, elle va nous entendre. Donc nous, on la prévient qu'on arrive. Et bon, le matin, je sais que quand j'ouvre la porte, hop, elle vient pour la gratouille, quoi. Elle vient dire bonjour. Après, dans la journée, n'importe quel moment de la journée, je peux l'appeler. Elle va venir au portail ou elle va rentrer en boxe pour faire le training. C'est pas un dressage, mais c'est plus une relation qu'on a. Tout à l'heure, elle est venue là au tube, j'ai donné la douche, après elle a posé la tête sur le tube, elle voulait que je lui gratte les oreilles, voilà. Puis quand elle est contente, bon, elle barille, elle s'en va, voilà. C'est fini. Elle dit merci. Le barrissement, alors, ça peut être de la satisfaction. Le barrissement, ça veut dire plein de choses. On connaît, je crois que c'est 20% du langage des éléphants. Il y a le barrissement, mais il y a aussi les infrasons, il y a toutes ces vibrations qu'ils émettent. C'est très compliqué, des fois elle fait des bruits, comme un grognement, un gros ronronnement, mais elle est contente. Mais c'est impressionnant, on a l'impression que justement elle est en colère. Le barrissement, on le peut barrir parce qu'il y a un pan qui lui a fait peur, elle est affolée, elle barrit. Le matin, quand n'importe qui vient, hein, lui dit bonjour, lui parle, elle est contente, brrr, elle nous lâche un coup de trompette, voilà, façon de s'exprimer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous diriez que vous vous intéressez aux éléphants en général ou à Dora en particulier? Adora en particulier, mais tout ce qui touche les éléphants, ça me touche aussi. Mais là, j'ai une relation avec elle, voilà, parce que je travaille avec elle. Maintenant, j'ai vu dans d'autres parcs, j'ai vu d'autres éléphants, d'autres installations, j'ai parlé avec les soigneurs, on a travaillé avec d'autres éléphants aussi. L'éléphant en général, hein, l'éléphant, comme je dis, hein, on dit oui une fois, hein. C'est pour la vie. Merci Vincent. Pour, ouais, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors sur la question de la conservation qui est souvent mise en avant par les zoos et notamment par la ménagerie du Jardin des Plantes. Amandine Saint-Vicens, porte-parole de Zoopolis Paris. Nous voudrons rappeler aujourd'hui que toute politique de conservation devrait passer par la protection des habitats des animaux et par la lutte contre le braconnage qui sont les deux causes majeures d'extinction des espèces. Rappelons que les cas de réintroduction sont si rares et anecdotiques qu'on peut dire que la réintroduction est un véritable leurre et un prétexte à un maintien d'un système carcéral absurde. À la ménagerie, il y a également des animaux qui ne sont pas du tout menacés de disparition et qui sont présents en France. Par exemple, les flamants roses. Rappelons que les flamants roses sont les plus grands oiseaux et qui volent dans le ciel. Pourtant, à la ménagerie, ils ne sont pas dans des cages. Et pourquoi ils ne s'évadent pas? Parce qu'ils ont leurs ailes qui sont éjointées. Ça veut dire qu'une partie de leur aile est coupée afin qu'ils ne puissent pas s'évader de cette prison. C'est aussi ça, les zoos. Ces associations sont, par principe, c'est leur fondement en fait, contre la captivité. Xavier Vaillant, directeur du zoo de la Tête d'Or à Lyon. Et nous, responsables d'établissements zoologiques, on travaille avec la captivité. Alors on essaye d'œuvrer pour que cette captivité soit utile, serve à quelque chose, que les animaux qu'on accueille dans nos établissements soient soignés, le mieux logés possible, et n'aient pas d'inconfort, et ne soient pas mis dans des situations de souffrance. Ça c'est notre responsabilité, et pour le coup, la réglementation qui s'applique à nos établissements est très claire et très stricte. Je pense pas qu'il faut mélanger les choses. Il y a un cadre réglementaire pour le fonctionnement d'un zoo, et c'est le rôle de l'État et de ses services de faire en sorte que ça soit respecté. Mais du coup, comme on est sur deux versants complètement différents de la captivité, un versant qui dit « nous sommes contre la captivité » et un autre qui dit « mais écoutez, moi c'est mon travail ». Déjà, le zoo, il n'est pas naturel. Donc faire reproduire des animaux dans un lieu qui n'est pas naturel, ces animaux ils seraient peut-être même pas reproduits dans la nature. Donc c'est la nature de dire qu'ils se reproduisent ou ils ne se reproduisent pas. On n'a pas à forcer en fait, et à forcer des animaux à se reproduire pour préserver leur espèce, alors que c'est nous qui détruisons tout en fait, en amont. Mais alors est-ce qu'il reste assez de place dans la nature? Il y a destruction des habitats naturels là dans le monde entier. Mais ça c'est aux grands du dessus de nous en faire de la place, puisque c'est eux qui détruisent tout. On n'est pas responsable de la destruction de l'environnement, de la faune et de la flore. Donc c'est eux aussi à prendre leurs responsabilités. C'est à eux de montrer l'exemple, de créer les espaces. Il y a de la place sur Terre. Hein. Il y a bientôt 9 milliards d'humains sur Terre. Il y a de la place pour tout le monde, puisqu'on est tous là. Donc pour les animaux, pourquoi il n'y en aurait pas? Voilà. C'est joli, mais c'est utopique. C'est utopique. Alors, agir contre les mauvais établissements, agir là où il y a des situations extrême, gravissime, avec de la maltraitance, je suis d'accord, je ne pourrais que les soutenir. Mais dire non à la captivité, mais rendez-vous compte, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces animaux? Un, on ne peut pas les relâcher comme ça dans le milieu naturel, on en a parlé déjà, les habitats sont tellement dans un état de délabrement ou de mauvais état que ces actions de renforcement de population, elles sont ponctuelles, elles sont sporadiques pour le moment. Elles sont symboliques aussi, mais ce n'est pas la solution pour l'ensemble des espèces qui sont aujourd'hui accueillies dans les zoos. On ne peut pas. Ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde chose, c'est que ce serait dramatique de juste ouvrir les portes et de se dire « voilà, c'est bon, c'est terminé ». Non, moi, je ne peux pas le considérer. Un animal qui naît chez moi, j'en suis responsable jusqu'au moment où je le confie à un de mes collègues mes critères sont les mêmes pour plein d'autres, hein. C'est des critères qu'on partage au niveau européen, je dirais. Ou alors, j'en prends la responsabilité quand un de mes collègues me dit « Tiens, je te confie cet animal parce que je sais qu'il sera bien chez toi. » Mais le jour où une association me dira « Relâchez tous vos animaux », je leur dirai « Non, parce que j'en suis responsable. » Demain, on aimerait que tout soit vide. Alexandra Morette, présidente de l'association Code Animal. On est pragmatique dans le sens où ce qu'on voudrait, c'est tendre à ça. Et on est antispéciste dans le sens où on considère aujourd'hui que les discriminations faites sur les espèces ne sont plus vraiment viables et qu'il faut justement ne pas juste catégoriser les espèces et avec ce fondement pouvoir exploiter en fait les animaux sur le simple fondement qu'ils sont différents de notre espèce, mais justement remettre en question cette exploitation-là pour nous faire évoluer nous en tant que société d'humains et aussi parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'avec la 6e extinction de masse on ne peut juste plus continuer comme ça non plus, quoi. Aller défricher de la forêt amazonienne et détruire des milliers de vies pour après engraisser des animaux d'élevage en Europe ou je ne sais pas où et après les manger, ça n'a pas de sens en fait aujourd'hui. Et faire des différences, on caresse un chien en mangeant un cochon et on va voir un phoque dans un zoo, alors que c'est des animaux qui, au final, ressentent la douleur, le stress, la joie. Enfin voilà, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la discrimination faite sur l'espèce, c'est pas fondé, c'est juste appris, en fait, socialement parlant. Se poser la question « est-ce que c'est l'homme le plus fort ?», ça nous renvoie à une question qui est en place en Occident. Éric Baratet, historien spécialisé dans les relations entre humains et animaux. Dont nous avons hérité, qui vient des cités grecques antiques, donc qui date de 2500 ans, où l'on a mis en place cette espèce de vision vivant sous la forme d'une pyramide. C'est-à-dire, tout en haut, il y a l'homme, et puis plus on descend, et plus on a des animaux rudimentaires, et plus ils sont nombreux. Et l'homme est vu comme étant celui qui a les facultés les plus absolues. Et donc, il y a eu toujours cette idée que finalement, il y a une différence de qualité, une différence, il y a une supériorité du côté de l'humain. Alors ça, c'est une vision qu'il faut abandonner, parce qu'elle est fausse, d'abord, premièrement. Elle n'a jamais été prouvée. C'est une vision philosophique, religieuse, qui s'est imposée en Occident parce qu'en fait, le christianisme l'a repris à son compte. Et du christianisme, eh ben, c'est passé à la philosophie occidentale, à la science occidentale et en fait à tout l'imaginaire occidental. Et nous baignons vraiment dedans. Encore de nos jours, on voit le monde naturel sous forme de pyramide. Mais c'est une vision philosophique et politique, c'est pas du tout une vision réelle. Et la vision actuelle qui est en train d'être développée avec la science, notamment sous la forme de la génétique, c'est pas la vision d'une pyramide, c'est la vision d'un buisson, où les espèces ont évolué chacune par groupe sur des branches, puis se sont différenciées branche après branche. Et donc l'homme est sur une branche parmi les autres, il n'est pas tout au sommet, ça ne veut plus rien dire ça. Il est sur une branche originale, l'homme est original, il y a un propre de l'homme, mais le chien est tout aussi original, le cheval est tout aussi original, l'escargot, la fourmi, etc., etc. Et en fait, il faut beaucoup, plutôt qu'en termes de supériorité, de déclinaison, il faut plutôt penser en termes d'originalité. Chaque espèce conjugue des capacités à sa manière. Et on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'espèces intelligentes, mais à leur manière. C'est parce que l'intelligence, on l'a redéfinie, on a arrêté de la définir à l'humaine. Et donc, on ne peut pas dire que l'homme est le plus fort. L'homme a développé une voie originale qui lui a permis, c'est vrai, de mettre la main sur le monde. C'est pas forcément tout à sa gloire quand on voit ce qui se passe de nos jours entre l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique. Mais bon, il a développé une voie originale, mais ça ne sert à rien de vouloir la hiérarchiser par rapport aux autres. Parce qu'à ce moment-là, on va négliger les autres qui sont pourtant aussi très originaux et qui ont leur richesse. Chaque espèce a sa richesse. Et il faut donc mettre l'accent sur cette richesse et non pas sur qu'est-ce qu'elle n'aurait pas par rapport à l'homme. En fonction des habitats, en fonction de certaines contraintes aussi, les communautés d'animaux ne vont pas émettre tous des comportements identiques. Donc on a ce qu'on appelle les traditions culturelles qui vont apparaître à divers endroits du monde. Donc en cétologie, il y a des exemples qui sont récurrents. Donc on a des dauphins qui vont pêcher à l'éponge en Australie. Alors c'est un acte réfléchi qui va anticiper la chasse. Tout d'abord, ils vont aller dans un lieu pour récolter les éponges. Ils vont placer l'éponge au bout de leur rostre. Et puis après, ils vont aller chasser. Leur rostre, c'est la partie avant du dauphin, qui est leur gueule en fait. Donc ils vont coincer l'éponge dans leur gueule et ils vont aller farfouiller dans les rochers pour débusquer des proies. En fait, il va utiliser l'éponge pour protéger son rostre, pour pas qu'il s'abîme quand il va chercher dans les rochers. Donc c'est comme si on avait là un exemple d'utilisation d'outils, parce que c'est un acte prémédité, entre guillemets. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit des femelles qui vont apprendre à leurs petits à développer ce comportement. Ça, ce comportement, on l'a vu à un endroit uniquement, en Australie. Donc on va parler de tradition culturelle. Donc là, c'est vraiment un exemple aussi de cette richesse et de cette créativité. C'est, ils vont innover à un moment donné et ils vont transmettre aussi ce comportement-là. Ce qui me fait dire que l'innovation et la créativité animale, elle a aussi beaucoup lieu en rapport avec la chasse et donc en captivité. Comment ça peut se développer, cette créativité ? Je peux être très créative dans ma façon d'aborder l'autre aussi, hein, dans mes comportements amoureux. Justement, au début, on parlait de l'enrichissement. Et un seul et même objet, il peut avoir différentes significations. Ça peut être un couvre-chef, ça peut être un attribut sexuel, ça peut être un objet de compétition entre plusieurs partenaires, ça peut être une arme. Donc la créativité, elle va s'exprimer de manière différente. Bonjour. Donc Karine, qui s'occupe du secteur carnivore. Vous attendez, parce que je croyais ça plus sympa d'arriver ensemble, étant donné qu'il y a Baz qui attend. Ah oui, bah, très bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'il était, donc voilà, il aime beaucoup ses soigneuses, on va dire. Alors Baz, c'est le nouveau lion qu'on a reçu, donc il y a Baz qui a 2 ans et demi. Et avec lui, il a Esma, qui a 18 mois à peu près. Donc là, ils sont tous les deux à attendre sur la butte. Et en général, quand on arrive, ils font tout le chemin avec nous jusqu'au bâtiment. Et pourquoi ? Baz, en fait, il nous a directement assimilés au côté nourriture et ainsi de suite. Donc c'est un côté très pratique parce que ça nous permet de le rentrer très facilement. Et puis après, il y a un petit côté jeu aussi avec nous. On a joué avec lui aussi donc, quand il est arrivé. Donc il a gardé ça. Mais alors Baz, tu snobs ce soir ? Il y a trop de monde ? Là, il va descendre tranquillement. Donc en fait, il aime bien être sur le gros rocher parce qu'il domine tout. Il nous voit quand on est au vautour, il nous voit quand on est au panthère des neiges, il nous voit aussi quand on est au guépard. Et donc, il aime bien. Viens, Baz. J'adore quand il fait ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va venir nous voir. Il sent peut-être qu'il y a quelque chose d'inhabituel du fait de notre présence ? Non, c'est ça tout le temps. Mais là, vu que c'est l'heure à laquelle on rouvre le bâtiment, le soir, puisqu'on les remet en accès libre pour la nuit... Et donc la nuit, ils choisissent soit d'être dans leur enclos extérieur, soit dans leur bâtiment. Donc là, il sait qu'on va rouvrir. Et vu qu'il aime bien aller faire un petit tour dans son bâtiment, donc c'est pour ça qu'il va suivre. Hop, et il y a Esma qui est arrivée aussi. C'est de l'amour. Ouais. Tu crois ? Est-ce que le bien-être des animaux... en milieu naturel est meilleur que le bien-être des animaux en captivité. Il va y avoir des individus qui vont se comporter d'une telle manière dans une certaine situation, par exemple les dauphins à La Réunion, et il va y avoir des individus vivant dans certaines conditions qui vont émettre aussi certains comportements, par exemple les dauphins du delphinarium en France. Est-ce que je peux comparer les deux ? Donc, par exemple, pour les dauphins, En Europe, on a un groupe d'experts dont je fais partie qui a mis en place à peu près 70 indicateurs, aussi bien en physiologie, en comportement ou en cognition. Et parmi ces 70 indicateurs, on en a validé une cinquantaine. Donc on est dans un processus qui est d'acquisition de compétences pour pouvoir après justement pouvoir peut-être répondre à votre question. Et ce qui demande aussi, c'est d'être capable d'entendre la réponse qu'on va avoir à cette question. C'est-à-dire plus de 25 ans sur le terrain m'amène à avoir un constat assez triste du fait qu'il y a quand même une dégradation des habitats, une pollution qui est omniprésente, des activités humaines qui sont de plus en plus denses. Donc il ne faut pas imaginer le milieu naturel comme un paradis pour les animaux, en tout cas pour les mammifères marins que j'étudie. Donc je suis très curieuse de vraiment pouvoir mener ce type d'études. Si ce n'est pas moi, ce sera mes successeurs. Mais vraiment, je voudrais savoir ce qui se passe et pouvoir répondre à la question que vous posez. Ah, j'en vois un. Au loin ? De là. Je vois sa tête et il est couché dans l'herbe. Ouais. Ah oui. Il y en a combien ? Deux. Un mâle et une femelle. Ouais, normalement, il y en a un qui doit être couché là. Je le vois. Voilà. Bah là, maintenant, je le vois plus parce qu'il a bougé, mais je l'ai vu passer. Et voilà. Les visiteurs doivent vraiment chercher, prendre le temps devant les enclos pour trouver des animaux. C'est aussi le plaisir de chercher. Moi, je trouve ça cool de passer du temps et de dire « Oh, je l'ai vu, je l'ai vu !» Enfin... Est-ce qu'il reste sauvage, vraiment ? Oui. Moi, je pense que oui. Et même certains, les carnivores, par exemple, sont bien plus dangereux en captivité que dans la nature. Beaucoup pensent que c'est l'inverse en disant bah c'est bon vous voyez les lions tous les jours et tout, et pas du tout en fait, parce que dans la nature ils voient pas souvent l'homme, ou si quand ils voient l'homme c'est parce que c'est des chasseurs, ou parce que donc les animaux s'en vont, et nous ici bah quand ils voient l'homme c'est pour la nourriture. Donc si on avait un lion ou un carnivore qui s'est évadé, c'est bien plus dangereux en captivité que dans la nature, parce qu'ils ont l'habitude de voir des humains tous les jours. Donc il y a juste ce côté là en captivité, mais pour moi oui, ils gardent quand même les instincts, parce que je vous ai dit, nous les mangoustes les chassent. Enfin, pourraient juste attendre dans le bâtiment leur gamelle. Et non, ça chasse quand même, quoi. Et vous, ça vous a jamais tenté de lier des liens un peu plus forts ou affectifs dans votre travail ? Non. Après, par exemple, je vais dire une bêtise, je vais avoir un contact avec les mangoustes que vous avez là. Et ben, y en a une qui va venir vers moi, mais elle va se faire rejeter du groupe. Parce qu'elle ne sera pas avec tous les animaux. C'est « Oh, moi, j'aime que les humains, je ne vous aime pas, vous. » Et comme pour tout ce qui est élevage à la main, c'est les animaux, ils se comparent d'avoir élevé un lion à la main, d'avoir élevé même une girafe à la main. Il perd son côté « je suis une girafe » dans sa tête, c'est « je suis un humain ». Et après, quand on les remet avec d'autres espèces, ça se passe pas bien, parce que dans leur tête, ils sont pas animaux, quoi. Enfin voilà, t'es une mangouste, tu restes avec tes potes mangoustes, t'es pas avec les humains, quoi. Voilà. Donc pareil, la nuit, axe libre, pour qu'elle puisse choisir. Encore une fois, ces questions de bien-être animal sont vraiment très compliquées à appréhender. Encore une fois, ce n'est pas de nier qu'il y a du bien-être, mais qu'est-ce que ça veut dire que le bien-être animal ? Valérie Chancigaud, historienne des sciences et de l'environnement. Ça varie tellement d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. On peut le voir même avec des animaux domestiques. Hein. Je suis en train de le découvrir avec un chat que j'ai adopté il y a un an à la SPA, un chat déjà âgé, 9 ans, et qui a une sorte de code de comportement très clair. Il aime se coucher à droite dans le lit, jamais à gauche. Il a vraiment des rites. Et je trouve ça fascinant, parce que c'est sans doute pas propre à cet individu-là, à sa personnalité-là. C'est, je pense, propre à tous les animaux, parce que d'ailleurs c'est propre aussi aux êtres humains. On retrouve cette question de rite, d'univers extrêmement réglé dans lequel on doit être pour pouvoir se sentir bien, en fait. Et je vois bien que dans son apprentissage de cette nouvelle maison, il a mis pratiquement un an pour y arriver, ça a été assez difficile au début. Et à partir du moment où ses rites, ses repères se sont mis en place, il était beaucoup plus à l'aise. Quelque part, le bien-être, c'est d'avoir des rites et des repères, peut-être. C'est pas d'être libre, parce que c'est une notion un peu ambiguë, mais c'est aussi d'avoir des rites et des repères. Bien sûr, il ne faut pas que ces rites et ces repères soient traumatisants, blessants pour l'animal. Du coup, c'est difficile à doser, c'est difficile à définir. Et avec le chat, c'est très, très clair. On vit vraiment bien plus chez lui que l'inverse. C'est vraiment... On doit s'intégrer comme on peut à son univers. Et ça rend l'expérience géniale aussi. Parce que là, pour le coup, on apprend aussi sur quelque part sur soi-même. En fait, c'est difficile de quitter ce métier. Vous pouvez pas se dire, bah voilà, je ferme la porte du zoo, je rentre chez moi, je déconnecte en fait. C'est impossible, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on ramène le zoo à la maison. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose. Tiens, mais j'ai pas pensé, mais si je faisais ça demain, est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça, est-ce que machin? Enfin, on est toujours dedans. Ça fait partie intégrante de nous en fait. C'est pas un job alimentaire entre guillemets. Ou voilà, c'est vraiment un métier passion. On a, ils font partie de notre vie tous ces animaux quoi. Nos pauvres conjoints. c'est terrible hein. Puis on s'émerveille toujours de tout. Non mais c'est ça aussi, c'est vrai. Enfin... Ce que je vous raconte, c'est ma vision de chercheur de l'expérience. Je suis persuadée qu'on demanderait aux soigneurs animaliers de raconter ce qui s'est passé pour eux. Ils auront une autre vision aussi. Et c'était ça aussi qui m'intéressait. C'était être capable aussi de travailler en collaboration, non seulement avec les animaux, mais avec les soigneurs animaliers, puisque ce sont eux qui connaissent le mieux les animaux. Et vous parliez de Vincent et de Dora, son éléphante. Voilà, c'est typiquement c'est ce que je veux entendre. Et là, je trouve que déjà, on est dans un respect de l'animal et de aussi de l'expertise professionnelle du soigneur animalier. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette construction des parcs zoologiques en tout cas. Et ma dernière question, mais en même temps, ça peut aussi rejoindre ce que vous venez de raconter, mais je voulais que vous me racontiez une de vos grandes découvertes. Celle qui va arriver, j'espère. Celle qui va arriver. Une grande découverte. C'est déjà que j'en sais encore moins que quand j'ai commencé mes études, en fait. Je réalise au jour le jour la complexité que sont les animaux. Ce qui m'intéresse aussi, c'est... c'est pas une découverte, mais j'aimerais réellement que la parole des éthologues soit entendue dans tout ce qui est protection animale et mise en place de mesures visant à améliorer la condition animale. Parce que je trouve que cette parole-là, elle est inaudible. Que peut-être on a aussi ce rôle-là, nous, en tant qu'éthologues, à agir au niveau des décisions qui peuvent être prises par notre société. Et c'est pas du tout notre formation initiale, donc je pense qu'on est extrêmement maladroit. On n'est pas du tout des communicants, donc voilà, on a une parole qui est peut-être pas toujours compréhensible. Mais je pense que c'est un effort qui doit être fait parce que les animaux le méritent. C'était Peut-on enfermer les animaux ? Un documentaire de Myriam Prévost. Réalisé par Anne Pérez-Franchini, avec Fabienne Delfour, Élodie et Karine du Bioparc de Douai-la-Fontaine, Manon du Zoo Safari de Thoiry, Lucas et Vincent du Zoo de la Barbenne, Raphaël Lambert, Amandine Rubini, Amandine Saint-Vicence, Alexandra Morette, Valérie Chancigaud, Xavier Vaillant et Éric Baratet. Documentation Antoine Villose, Samantha Schmitt et Annelise Signoret. Prise de son Frédéric Cailleron, Thomas Robin et Arthur Dumont. Mixage, Bernard Laniel. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Cabran. Dans l'espace cosmique, l'amour devrait rester une espèce en voie de disparition. Ne pourra survivre dans ce monde. Soit